comprendre ngai aza evoyo sala yo oza obligé otalela ngai ngai wayo sans toi aza moto sans horizon bato ivre na bidon na des autres bleus José Kongolo Libeko Mubambo lebele basanze bele esangisa nga na yo nzoto nangela malamu preferisa mposo na yo chaque eteni ya nzoto na ngai ekoma banke ya amour na yo kobufatu Isabel Kiza nono mwekatana koboyanga eza solution te ata na sali mabe pardone nga meya kulpa edenga na longwa na mbozoba eske lelo soki otiki ngai mpe lobi soki oyokite parake nazongeli bamama ebozoba eske eza soli te mpona yo moto osala ngai L'amour est un filtre merveilleux qui ne laisse passer qu'une belle couleur. Ce qui est fait sur ma ligne ici, la colère mon colo mon corps. Ce qui est fait ne l'écoute pas, jamais la coupe franzala. Et sans qu'elle l'ait tombé, ça vit pour toute la vie. Car si ce qui est fait pour y'en ailleurs, votre ligne a souffert la vie pour toujours. Mon Christ sorti à salir, son sorti à tout bel image. La nanza ma colibri, ça y est, père connaissa l'écharisme. Pourquoi y'a l'ingé non pas sala, bon côté païna n'a ta bouffato. Roger Bukana. N'a wayo kangi ma boko, l'obiso ke yo ki n'a oué. Tumbanga bongo poutou l'unanga o tia la vile ya n'y a ou na yo. N'a komo vivre on te na yé, o komo l'inganga a travelle. Na komo yo kama mongo na yo, chaque fois so kozo benga yé, miaou miaou. Mimi, Ekuba Belinga. Chantal Kazadi, Africa Surprise. Oh, weba mama. Bomitika na mpoko wa papa potokota bina lande mile sani ko nga natuna elingi pardon na yo moto ya nango promese eza komi esika motimi ezalaka oyo ekoma likatombe kolimbisa mbunduna eski fakuka na pia bina ye kala nga ezopesama kolepe ya moto ya kosovo mpasi ya mo tabufatu solase sola nga nalela bongo ekomi osala neti olonjo eza na reta emarshe nango ekomi neti ya moto aza na rendez-vous na nsima tia mamia ya moto yakelaka liwai apicho mwekato jo ata bufato nga nalela esika libo eza kolongwalola mozanga kate koleka esika bato bazalisanga foti ezanga kate kosalema soki kolimbisa ezali te mokili ekolimwa pardone encore et toujours tabufatu Ibrahim Shah nga natuna pourkua kaka bato batolingaka wami unjour bayaka kotia biso likula na motema kasi oparavan bazwaka te so ya kotia anestesi pasi yango alinga ngwele ali nga natuna ye baetotiaka mitema unjour bakokunda biso soki toleli bamone bakopesa biso mushwa souvent le jour j bapesaka biso mokomo souvent malheur na biso bamone bazalaka ba hauteur nango mystère ya malbonege mabuke nga natuna pourkua kaka bato ya ranko bazalaki otala biso na regard ya tendresse mpona bato bazobuka na pongi sudekar na pango etondi agresivité bakomi otala biso ndenge yimbi otalaka arabo bayini biso ndenge musulmani na lamu mystère ya lamu giflori papikuaa Jean-Baptiste Kassi, la meilleure de Bruxelles.